Ndikomanyanga. Bienvenue à ce journal. D'abord, les titres. Le directeur de la radio Sanganiro déplore la persécution qui continue à l'endroit du journaliste Gérard Nibigila. C'est après que le commissaire communal de la police à Gitega ait indiqué avoir saisi le parquet de la République en province de Gitega et demande au chef de l'État de rétablir Gérard Nibigila dans ses droits. Les habitants de la capitale économique Bujumbura déplorent la cherté de la vie suite à la flambée des prix des produits de première nécessité qui sont passés du simple au double, voire même au triple, et demandent au gouvernement de trouver solution à la pénurie des produits pétroliers, source de cette flambée des prix. Et en cette journée du 11 juillet, où le monde célèbre la journée mondiale de la population, l'ONG Parsem appelle le gouvernement burundais à renforcer l'éducation et la gouvernance pour que la population burundaise soit un facteur de développement. Bienvenue à ce journal. La mise en onde est assurée par Albert Douai. Le dossier du journaliste Gérard Nibigila, correspondant de la radio-télévision Isanganiro dans la province de Gitega, est déjà transféré au parquet de la République en province Gitega. Le commissaire communal de la police en commune Gitega l'a annoncé ce mercredi. Sans préciser, le chef d'accusation contre Gérard Nibigila. Dimanche 16 juin courant, Gérard Nibigila était à une station service Murisanze, dit chef Philippe, dans la ville de Gitega, où l'on servait de l'essence dans le désordre total. Certains gens étaient malmenés par la police. C'est par là que le commissaire communal de police, lieutenant-colonel de police Ndikugayo Jean Prime, a confisqué ce téléphone en le tabassant, puis lui a détenu au cachot au commissariat provincial pendant plus de 3 heures. Il était accusé d'avoir pris des images. Ces téléphones n'ont pas encore été remis jusqu'ici. Auparavant, le commissaire de la police en commune Gitega accusait notre confrère d'avoir répandu son nom sur les réseaux sociaux en informant Bob Rugurika qu'il était en train de vendre frauduleusement de l'essence. Notre correspondant dit que ce n'était qu'une accusation sans fondement, car il n'est jamais en contact avec Bob Rugurika. À ce sujet, le directeur de la radio-télévision Isanganiro déplore cet incident contre notre correspondant et appelle le président de la République de rétablir Gérard Nibigila dans ses droits. Charles Makoto trouve que le correspondant d'Isanganiro n'avait aucune autre ambition que d'œuvrer pour le bien-être de la nation. Ce que le numéro 1 burundais a évoqué à plusieurs reprises, que le métier de journalisme est nécessaire pour le développement du pays. Charles Makoto, directeur de la radio-télévision Isanganiro. Nous avons appris que son dossier a été transmis au niveau du parquet. Nous nous demandons quel est le contenu du dossier parce qu'on nous avait fait espoir que notre correspondant allait récupérer son matériel. Mais par après, nous avons tristement appris que son dossier a été transféré au parquet. On est dans une situation d'inquiétude et d'incompréhension. Les interprétations, ce sont des interprétations, mais ce dossier laisse beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas réellement ce qui se trame derrière cette histoire, parce que notre correspondant n'a fait que faire son travail de journaliste. Aux journalistes de la radio-télévision Isanganiro, nous leur demandons d'être toujours professionnels dans leur activité. C'est la seule protection qui nous reste, être professionnel. Et Gérard Nibigila a été professionnel, il n'est pas sorti du cadre du métier, et il a tout notre soutien comme journaliste, et tous les journalistes, nous leur demandons de toujours œuvrer dans les limites de la loi. Pour ce faire, nous demandons au chef de l'État, lui qui a garanti aux journalistes, qui a demandé aux journalistes d'œuvrer sans perdre dans la limite de loi, de faire en sorte que le matériel de travail de Gérard Nibigila lui soit remis. À ce sujet, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LICOM déplore le fait que les journalistes sont persécutés ces derniers jours par certains administratifs et certains agents de sécurité. Gabriel Fieri, président de l'OLICOM, prend pour exemple les séquestrations commises à l'endroit du correspondant de la radio-télévision Isanganiro à Gitega par le commissaire communal de police Gabriel Fieri. Demande au Conseil national de la communication et au ministère de la communication de faire valoir les droits des journalistes. On l'écoute. Dans ces derniers jours, nous voyons que la presse burundaise est en difficulté, surtout les journalistes qui opèrent dans les médias privés. Nous voyons qu'il y a des persécutions qui sont liées à leurs métiers, à leurs professions quotidiennes, surtout avec la pénurie des produits pétroliers où les journalistes sont malmenés par la plupart des policiers, mais aussi, pas tout le monde quand même, mais la plupart des policiers et certains administratifs. Donc, nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les journalistes soient respectés parce que c'est leur métier. En fait, depuis que la pénurie des produits pétroliers s'observe au Burundi, il y a vraiment des tracasseries graves, des tricheries, de la corruption, du favoritisme grave, notoire, qu'on observe. Nous demandons au CNC, qui est en charge de la protection et de la promotion des médias et des journalistes, puisse sortir un communiqué pour exiger à tous les services de protéger les journalistes quand ils sont en train d'œuvrer pour les citoyens. Deuxièmement, nous demandons à ce que le ministère de la communication en charge des médias sort un communiqué de presse aussi pour interpeller les services publics envie de donner la valeur aux médias. Troisièmement, c'est la présidence. La présidence doit vraiment coordonner ses services en vue de tout faire pour que les journalistes soient protégés. Nous pensons que les journalistes, aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de problèmes, malgré qu'il y a des lois qui les protègent. Ils ont beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a par ailleurs certains d'entre au moins 4 journalistes qui sont emprisonnés, les autres qui sont dans le collimateur de la justice. Par exemple, le journaliste de la radio-télévision Isanganiro, qui est à Gitega, il est dans cette situation, et bien d'autres journalistes. Donc, pour nous, il est urgent que les journalistes soient protégés parce qu'ils sont derrière les droits. Plutôt, il faut qu'ils arrivent à investiguer même, il faut qu'ils investiguent. Du côté de l'association Piske Burundi, l'on voit que le malentendu qui a éclaté entre le journaliste de la radio-télévision Isanganiro, Gérard Nibigira, et le commissaire communal de Gitega ne devrait pas arriver au niveau du parquet. Ceci est dit par Jean-Marie Ndouimana, président de cette organisation, qui trouve que les gens, dans leurs différences, doivent conjuguer les efforts pour développer le pays. On l'écoute. Au sein de la Piske Burundi, nous affirmons que les médias jouent un grand rôle dans le développement socio-économique du pays, mais dans le respect strict de la loi et des règlements en vigueur sur le sol burundais. Aussi, les institutions républicaines doivent exercer leurs tâches conformément à la loi et les règlements en vigueur. Pour ça, les deux parties doivent impérativement conjuguer les efforts ensemble pour reconstruire le pays jour au jour. Alors, s'il y a un incident ou un malentendu qui se manifeste entre des pactes dans leur travail, comme ce cas de Gitega par exemple, entre le journaliste Gérard Nibigira et le commissaire communal de Gitega, au lieu de saisir la justice, peut-être la personne est lésée. Et je crois que la première chose, c'est de voir comment normaliser la situation, comment gérer la situation entre des parties. À défaut de cela, je crois qu'il y aura toujours, bien sûr, un organe compétent pour gérer la dite situation. Voilà ce qui est très important pour reconstruire le pays ensemble. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro. Certains habitants de la capitale économique Bujumbura se plaignent que certains produits de première nécessité ont augmenté, voire 2 à 3 fois leur prix initial. À titre d'exemple, 1 kg de tomates et de carottes qui s'achetaient à 1 500 francs il y a 3 mois s'achètent entre 4 000 et 4 500 francs. ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro, marché dit Kotebu, que ce soit les commerçants et les acheteurs témoignent qui sont dépassés par cette situation due à la pénurie du carburant. Tous peinent à joindre les deux bouts du mois. Il demande au gouvernement de trouver solution face à ce problème de pénurie des produits pétroliers. Le point avec Sheila Irambona. Ces produits qui ont sensiblement augmenté sont entre autres les tomates, les poivrons et les oignons qui s'achètent maintenant le kilo à 4000 francs alors qu'ils étaient entre 1500 et 2000 francs le kilo il y a moins de deux mois. Le kilo de sel a également augmenté à 2000 francs brut alors qu'il s'achetait à 1200 francs. Le prix du petit pois a été également revu à la hausse. Il est maintenant à 7500 francs. Certains acheteurs rencontrés au marché Kotebu indiquent qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts du mois. Nos enfants passent leur temps à se lamenter parce qu'ils ont faim à cause de la hausse des prix. C'est un moment pénible que nous passons lorsqu'il est temps de donner l'argent pour la nourriture. Tout cela à cause de cette hausse des prix. Nous peinons pour honorer nos engagements envers nos familles. L'argent que nous utilisons a presque doublé. Ce n'est vraiment pas facile. Les vendeurs, eux aussi, de leur côté, indiquent qu'ils travaillent à perte. Un commerçant peut amener 100 kilos de l'intérieur du pays. Il est obligé de payer 50 000 francs pour le sac qu'il amène à écouler et 20 000 francs pour son ticket de transport. Le tout est à 70 000 pour un sac de petits pois. Et selon vous, comment arrivera-t-il à avoir un bénéfice et à avoir les 70 000 payés pour le transport ainsi que la nourriture des enfants? Tous demandent à ce que le problème de pénurie du carburant, qui est source de cette cherté de la vie, soit résolu. Tout redevienne comme avant pour que le Burundais lambda ait de quoi donner à ses enfants. Que notre pays continue à se développer en toute quiétude. Nous demandons à ce qu'ils envisagent une piste de solution. Car lorsque nous demandons la raison de cette hausse des prix, ils nous disent que c'est dû à cette pénurie du carburant. Nous demandons au gouvernement qu'il prenne en main cette question et que le carburant soit disponibilisé. Que ceux qui le peuvent fassent tout pour que le carburant soit disponible, car nous vivons une situation difficile ici au Burundi. Les informations tirées sur place indiquent que les prix du kilo du riz et du haricot ont néanmoins diminué. C'est entre 3 500 francs et 4 000 pour le riz, tandis que le prix du haricot est entre 2 500 francs et 4 200 francs. Les commerçants indiquent que cela est dû néanmoins que nous sommes à la saison de récolte de ces deux produits. L'autre produit qui a légèrement diminué de prix est la banane. Le prix de la banane revient maintenant à 1 200 alors qu'il s'achetait il y a quelque temps à 1 500 francs. Un kilo d'huile dit du coton s'achète maintenant à 16 000 francs alors qu'il s'achetait à 12 000 il y a moins de trois mois. Signalant également que même un sac de charbon qui coûtait entre 60 000 francs avant la pénurie de carburant s'achète maintenant à 140 000 francs bout. Sheila Irambona, une population qui n'est pas bien éduquée, et mieux formée et suivant la technologie devient un fardeau pour le pays. Une appréciation du directeur national de l'organisation Parsem au moment où le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée de la population. Faustin Dikoumana appelle le gouvernement à renforcer l'éducation et la gouvernance pour que la population soit un facteur de développement. On l'écoute. Cette journée arrive alors que le Burundi est un pays qui a l'une des densités les plus fortes d'Afrique. Parfois, plus de 1000 habitants au kilomètre carré et dans certains coins du pays. Le taux de croissance de la population qui est à 3% est supérieur au taux de croissance de la production alimentaire, au taux de croissance même de la production intérieure brute, du produit intérieur brut. Et l'autre problème, c'est le taux de fécondité qui approche 6 enfants par femme. Donc des mesures concrètes doivent être prise dans son sens. Il y a des conséquences à cela alors parce que maintenant les ressources naturelles en pâtissent beaucoup parce que il y a en conséquence le déboisement qui est là puisque la population a besoin de l'énergie, notamment le charbon pour la cuisson. Il y a l'atomisation des terres agricoles. Maintenant, on dit qu'on est à moins de 0,5 hectare par ménage. Ça, et la conséquence encore de l'ETC, que maintenant 70% de la population vivent dans une insécurité alimentaire. Pour que la population soit un facteur de développement, il faut une population bien éduquée, mieux formée, en bonne santé et qui travaille dans un environnement de bonne gouvernance pour que la méritocratie régisse le mode de fonctionnement de la société. Pour que la méritocratie régisse le mode de fonctionnement de la société. Et c'est pour cela que, par ce mot, commande que la politique nationale de population soit une réalité. On avait promis de la bonne politique nationale de population pour bien orienter une clarification des conditions de vie qui orientent toute et politique de développement. Il faudrait aussi que les résultats du recensement en cours soient publiés pour que ces données puissent servir même la réalisation de la vision 2040-2060 dans le sens d'amélioration des conditions de vie de la population. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Placé aux nouvelles des provinces, 9 membres de la commission électorale provinciale indépendante CEPI ont été présentés ce jeudi par la CENI dans la nouvelle province de Burunga, parmi lesquels 5 Hutus et 4 Tutsi, composés de 6 hommes et 3 femmes. Au cours de leur présentation, certains représentants des partis politiques se plaignent qu'ils n'ont pas été représentés et demandent qu'ils soient représentés au niveau des commissions électorales communales indépendantes. Ceci, n'est-ce pas, Élisée Kouizera? Ces 9 membres du bureau de la commission électorale provinciale indépendante CEPI dans la nouvelle province de Burunga, constituée des provinces actuelles de Makamba, Bururi, Rumonge et Rutana, ont été présentés ce jeudi par la commission électorale nationale indépendante CENI. Ils sont composés de 5 Hutus et 4 Tutsi, dont 6 hommes et 3 femmes. Lors de la séance de leur présentation, certains des représentants des partis politiques ainsi que les musulmans dans cette province de Burunga ont soulevé leurs inquiétudes selon lesquelles ils ne sont pas représentés, vu les membres du bureau de la CEPI déjà présentés dans 4 sur 5 nouvelles provinces. Ils demandent qu'ils soient représentés au niveau des commissions électorales communales indépendantes, ceci, disant que chaque catégorie de gens ou partis politiques connaît aussi des personnes instruites et sages méritant ses places. Le président de la CENI, Prosper Ntagwamiye, leur assure en proposant à la CEPI de mettre en place les CECI en considération des suggestions soulevées et des partis politiques sur terrain. Signalons que parmi les 9 membres du bureau de la CEPI Burunga se trouvent 3 représentants au parti au pouvoir CNDD-FDD, 4 des partis CNL, Iprona, Radebou et Frodebou, ainsi que des religieux, dont un ayant représenté l'église anglicane et l'autre l'union des églises chrétiennes du Burundi. Depuis Makamba, Élisée Kouizera, Radio Isanganiro. Et le taux de la malnutrition est passé de 8% en 2018 à 3% en 2022 en province de Kayanza. Ceci a été dit ce jeudi par Justin Matungulu, représentant AI de l'Organisation internationale, intervenant dans différents secteurs, celui de la malnutrition y compris. C'était en commune Gatara de la province Kayanza à l'occasion de la caravane organisée par l'Union européenne. L'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi indique que la baisse de ce taux est due à plusieurs initiatives de l'Union européenne, d'où plus de 16%, d'où plus de 163 000 enfants souffrant de la malnutrition sévère ont reçu des soins intensifs. Une information que nous devons à notre consoeur Ornella Mucho qui suit de près cette caravane. L'administrateur communal de Kayanza appelle les élèves en vacances à participer massivement aux activités du camp d'été organisé par l'administration en ces vacances. Godefroy Nionidzigiye, administrateur communal de Kayanza, indique que les participants bénéficieront d'un certificat de participation à la fin des activités et que l'élève qui n'aura pas ce document se verra privé de certains droits l'année scolaire prochaine, y compris celui de ne pas être admis au redoublement. N'est-ce pas, Patrick Saint-Guillaume? Les élèves en vacances en commune Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus sur les activités du camp d'été organisées par l'administration pendant les vacances d'été ont affirmé que ces activités leur sont d'une grande importance, expliquant que c'est pour eux une façon de les encadrer. Certains apprécient d'ailleurs qu'à la fin de ces activités, on leur donne des cahiers et des stylos. L'administrateur communal Kayanza fait savoir que pour ces vacances d'été, les élèves qui participeront dans ces activités du camp d'été bénéficieront à la fin des activités un certificat de participation qui leur sera beaucoup utile au début de l'année scolaire prochaine. Godefroy Nionizigi indique que par exemple qu'un élève qui ne participera dans des activités du camp d'été organisées pour ses vacances d'été, s'il n'a pas réussi l'année scolaire passée, il n'aura pas droit à une place de redoublement. Toutefois, des élèves en vacances en commune Kayanza n'ont pas accueilli cette décision de l'administrateur communal de la même manière. Certains trouvaient qu'elle est meilleure au moment où d'autres trouvent que cette décision est injuste, expliquant que des fois des parents refusent à leurs enfants en vacances la permission de participer au camp d'été. Signalons que le ministre en charge de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique au Burundi a exhorté aux administratifs de veiller à ce que les élèves en vacances ne franchissent pas les frontières vers les pays limitrophes du Burundi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoua pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumananga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.